الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Qasas al-Anbiya du Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Lors du cours dernier, on avait traité de ce qui a eu lieu lors de la quatrième et la cinquième année de l'Hégire, notamment la bataille de Al-Khandaq, qui est appelée également la bataille de Al-Ahzab. Puis, Cheikh Saadi rahimahullah cite ce qui a lieu lors de la sixième année de l'Hégire. ثم في سنة ست من الهجرة اعتمر صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرة الحديبية وكان البيت لا يصد عنه أحد فعزم المشركون على صد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. Puis, lors de la sixième année de l'Hégire, le prophète صلى الله عليه وسلم a voulu accomplir la Umrah, lui et ses compagnons رضي الله عنهم, qui est appelée Umrat al-Hudaybiyah. Et à l'époque, personne ne pouvait être refoulé de la Kaaba. Et lorsque les polythéistes ont eu connaissance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait se rendre avec ses compagnons à la Mecque, ils ont pris la résolution et la décision de repousser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولما بلغ الحديبية ورأى المشركين قد أخذتهم الحمية الجاهلية جازمين على القتال دخل معهم في صلح لحقن الدماء في بيت الله الحرام ولما في ذلك من المصالح وصار الصلح على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عامه هذا ولا يدخل البيت ويكون القضاء من العام المقبل وتضع الحرب أوزارها بينهم 10 سنين فكره جمهور المسلمين هذا الصلح حين توهموا أن فيه غضاضة على المسلمين ولم يطلعوا على ما فيه من المصالح الكثيرة فرجع صلى الله عليه وسلم عامه ذلك وقضى هذه العمرة في عام 7 من الهجرة فأنزل الله في هذه القضية سورة الفتح بأكملها إنا فتحنا لك فتحا مبينا فكان هذا الفتح لما فيه من الصلح الذي تمكن فيه المسلمون من الدعوة إلى الإسلام ودخول الناس في دين الله حين شاهدوا ما فيه من الخير والصلاح والنور. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en partant de Médine, est arrivé à Al-Hudaybiyah, et lorsqu'il a vu que les polythéistes étaient résolus à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a décidé de conclure un pacte avec eux afin de préserver le sang des musulmans dans l'enceinte de la maison sacrée d'Allah. Et également, car il y a derrière ce pacte de nombreux bénéfices. Et l'accord a été conclu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les polythéistes pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accomplisse pas cette umra, cette sixième année, mais qu'il l'accomplirait l'année suivante. Et que, et ils se sont mis d'accord également, qu'il n'y aurait plus de guerre entre eux pendant 10 années. La plupart des musulmans n'ont pas accepté et ont détesté cet accord, car ils ont pensé que c'était une humiliation pour les musulmans. Ils n'ont pas réalisé les bienfaits nombreux qui découlaient de ce pacte de l'Hudaybiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu l'année suivante pour accomplir cette umrah en l'an 7 de l'Hégire. Et Allah Azza wa Jalla a révélé concernant tous ces faits qui ont eu lieu à Al-Hudaybiyah, l'ensemble de Sourate Al-Fath, Sourate le triomphe ou la victoire. Inna fatahna laka fatham mubina. Nous t'avons donné un triomphe manifeste. Et a découlé de ce triomphe du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nombreux bienfaits, notamment les musulmans ont eu la possibilité d'appeler à l'islam et les gens ont embrassé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en grand nombre lorsqu'ils ont constaté le bien et la réforme que cette religion apportait. Donc ici, Cheikh Saadi rahimahullah, dans ce livre qui se veut résumé, bien sûr, ne cite pas tous les détails qui ont lieu durant le pacte de l'Hudaybiyah. Ceci car le livre de Cheikh Saadi se veut court et concis. Et pour donner un peu plus de détails sur ce qui s'est passé en cette année 6 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam est où ? À la Mecque ou à Médine ? À Médine. Il a fait la Hijra et la bataille de Al-Ahzab s'est terminée. Et le prophète alayhi salatu wassalam a vu en rêve que les musulmans allaient entrer à la Mecque, les cheveux rasés, en étant en sécurité. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a informé les croyants de cette bonne nouvelle. Il leur a annoncé cette nouvelle qu'ils allaient entrer à la Mecque, les cheveux rasés. Et quand on dit les cheveux rasés, c'est que les rites sont terminés. Que les rites sont terminés et qu'ils allaient être en sécurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc décidé de partir accomplir la Umrah, accompagné de nombreux de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam est sorti au début du mois de Dhul-Qi'dah, de l'année 6 de la Hijra. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a pris avec lui la bête qu'il allait sacrifier. Et lorsque les polythéistes de Quraysh ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers la Mecque, ils ont envoyé Khalid ibn Walid radiyallahu anhu avec lui 200 cavaliers pour couper le chemin des musulmans et pour ne pas qu'ils puissent se rendre à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses éclaireurs lui ont informé que les polythéistes avaient pris la décision de l'empêcher de rentrer à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté ses compagnons radiyallahu anhum, à savoir s'il combat ou non, s'il s'y rend pour combattre ou non. Et Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit que personne ne peut refouler quiconque de la maison sacrée d'Allah. Et c'est ce qui était connu à la Mecque. Personne ne peut empêcher quiconque de venir dans l'enceinte de la Kaaba. Et que celui qui en empêche, eh bien, on le combat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris et a jugé la décision ou la proposition de Abu Bakr comme étant bonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé d'itinéraire pour se rendre à la Mecque jusqu'à arriver à Al-Hudaybiyah. Khalid ibn Walid qui scrutait les musulmans de loin, les a vus accomplir la prière de Dhuhr et a décidé de les attaquer pendant la prière de l'Asr. Car les musulmans qui prient, ils sont tous derrière leur imam. Et le fait de les attaquer par surprise pendant ce moment, c'était une occasion pour lui de combattre et de faire subir aux musulmans de graves pertes. Mais Allah Azza wa Jal, entre la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr, a révélé les versets de Sourate An-Nisa, où Allah Azza wa Jal explique en détail comment la prière de la peur a lieu. Et qu'une partie des croyants prient derrière l'imam, une raka'at, puis font face à l'ennemi. Et lorsque ils ont prié la première raka'at, ils vont face à l'ennemi. Et lorsque ceux qui ont commencé la prière et terminent la deuxième raka'at, car la prière de la peur est constituée de deux raka'at, eh bien, ceux qui ont terminé la prière font face à l'ennemi, et ceux qui étaient face à l'ennemi reviennent pour terminer leur deuxième raka'at. À la kulli hal, il y a plusieurs façons d'accomplir la prière de la peur. On les avait toutes détaillées. On avait notamment cité la parole de l'imam al-Qayyim, rahimahullah, dans Zad al-Ma'ad. Et pour ceux qui veulent les détails, qu'ils reviennent à l'explication du livre Al-Wajiz, disponible sur le site La Voix Droite. Puis, les polythéistes ont envoyé des émissaires pour engager le dialogue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi sallatu wa sallam, sa réponse était toujours la même, que nous nous rendons à la Mecque non pas pour combattre, mais pour accomplir la Umrah. Et quiconque nous empêchera de le faire, nous le combattrons. C'était le message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à l'ensemble des émissaires envoyés par Quraysh. Et ils en ont envoyé plusieurs, jusqu'à envoyer Urwah Ibn Mas'ud Al-Thaqafi, qui a essayé de dissuader le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que s'il y avait un combat, que ses compagnons allaient le délaisser et qu'ils allaient l'abandonner. Et Abu Bakr radiallahu anhu s'est énervé, il lui a répondu avec force. Urwa qui manquait de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car lorsqu'il lui parlait, il touchait sa barbe. Et Al-Mughira ibn Shu'ba le tapait avec la poignée de son épée en lui disant « Laisse la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Et lorsqu'il est revenu vers Quraysh pour leur faire le rapport de ce qui a lieu, c'est là où il leur a dit qu'il n'a jamais vu, qu'il a vu énormément de rois et de gouverneurs, mais qu'il n'a jamais vu d'une chose comme celle-ci. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont un respect immense envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un crachat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sans qu'il n'atterrisse dans la main d'un des compagnons radiallahu anhu qui essuyait avec son visage. Il s'entretuait presque pour récupérer les restes des eaux de l'eau de l'ablution du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il leur parle, ils sont toutes têtes baissées, toutes oui, en écoutant attentivement les recommandations et les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Quraysh on leur a apporté que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient ainsi, ils savaient que c'était des hommes fidèles et que s'il y avait combat, eh bien, que le combat risquait d'être difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite envoyé Uthman ibn Affan comme émissaire chez Quraysh. Ils ont essayé d'amadouer Uthman radiallahu anhu en lui disant « Tu peux faire le tawaf si tu veux ». Et Uthman radiallahu anhu a refusé, a dit non, je ne vais pas faire le tawaf autour de la Kaaba alors que vous l'empêchez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, ils ont décidé d'emprisonner Uthman jusqu'à se consulter entre eux et savoir quelle est la décision qu'ils allaient finalement prendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant que Uthman ne venait pas et que le temps commençait à passer et que les rumeurs commençaient à courir, à savoir que Uthman radiallahu anhu a été tué par les polythéistes de Quraysh. Or, lorsque l'on tue un émissaire, cela revient à déclarer la guerre. Cela revient à déclarer la guerre. Le prophète alayhi sallam a alors demandé à ses compagnons de lui prêter allégeance. De lui prêter allégeance, de combattre à ses côtés et de ne pas tourner dos au combat et de ne pas fuir. Ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et pendant qu'ils étaient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi sa main par l'autre pour montrer et a dit sallallahu alayhi wa sallam hadihi li Uthman, que ceci est le pacte d'allégeance de Uthman, que si Uthman était là, il l'aurait fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à sa place. Puis Uthman radiallahu anhu est revenu. Et lorsque Quraysh ont su que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient fait ce pacte d'allégeance qui est appelé Bay'at al-Ridwan, notamment cité dans Surat al-Fath, ils ont eu peur. Et ils ont envoyé Suhail. Ils ont envoyé Suhail pour discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour trouver une solution. Suhail ibn Amr, lorsqu'il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont mis d'accord sur différents points. Le premier est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentre pas à la Mecque cette année-là, qu'il doit retourner à Médine et qu'il pourra rentrer à la Mecque pendant 3 jours l'année suivante. Également, qu'il n'y ait pas de combat entre eux pendant 10 années. Et le pacte de l'Hudaybiyah également comportait que celui qui voulait être sous l'égide de Muhammad en avait le droit, et celui qui voulait être sous l'égide de Quraysh en avait le droit. Également, parmi les accords qu'il y a eu, et que si, après ce pacte, un musulman quitte la Mecque pour se réfugier à Médine, que les musulmans doivent le rendre polythéiste. Et que si un musulman quitte Médine pour aller à la Mecque, se réfugier auprès des polythéistes, que les polythéistes n'aient pas l'obligation de le rendre aux musulmans. Vous avez compris ou pas? Également, parmi les accords, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ali d'écrire. Lorsque Ali a écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Suhail ibn Amr lui a dit: je ne connais pas Rahman, dis Bismikallahum. Et lorsqu'il a écrit Muhammad Rasulullah, il a dit: si nous savions que c'était l'envoyé d'Allah, nous ne serions pas ici en train d'écrire un pacte. Écrit Muhammad ibn Abdullah. Ali radiallahu anhu a refusé d'effacer Muhammad Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même effacé. a lui-même effacé et a dit à Suhail, Ana Rasulullah wa in kadhabtumuni, je suis l'envoyé d'Allah même si vous me traitez de menteur. Avant même que le pacte soit signé, Abu Jandal vient en fuyant la Mecque pour se réfugier auprès des musulmans. Et Abu Jandal n'était autre que le fils de Suhail ibn Amr, celui qui était en train de signer le pacte. Et Suhail a dit, voilà le premier que vous allez nous rendre. Le professeur Hassem lui a dit que le pacte n'a pas encore été signé. Suhail a dit, alors dans ce cas, je ne signe rien. Et Suhail a frappé son fils, qui a commencé à crier et à dire aux musulmans, allez-vous me laisser retourner chez les polythéistes pour qu'ils me fassent du mal et m'éprouvent dans ma religion? Et le prophète sallam de lui dire de patienter et que Allah subhanahu wa ta'ala allait donner une issue favorable à sa situation. Et effectivement, par la suite, Allah azza wa jal lui a accordé une issue. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de se désacraliser et que chacun sacrifie la bête qu'il avait avec lui. Beaucoup de musulmans ont eu du mal à accepter ce sulh de l'Hudaybiyah, cet accord de l'Hudaybiyah, car ils ont considéré que c'était une humiliation pour les musulmans. Omar radiallahu anhu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, ne sommes-nous pas dans la vérité et eux dans l'erreur? Il a dit oui. Ceux qui sont tués parmi nous, ne sont-ils pas au paradis et les leurs en enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Et Omar radiallahu anhu a dit, pourquoi alors nous infliger une humiliation dans notre religion? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait dire qu'il est l'envoyé d'Allah et qu'Allah azza wa jal allait accorder une issue favorable et allait donner un bien immense à travers ce pacte de l'Hudaybiyah. Et effectivement, Allah azza wa jal l'a appelé Fath, inna fatahna laka fathan mubina, nous t'avons accordé un triomphe manifeste alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas combattu. Et Omar est parti voir Abu Bakr qui lui a dit exactement la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Puis lorsque les compagnons n'ont pas voulu obéir sur le champ au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela a attristé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a demandé conseil à son épouse Umm Salama radiallahu anha, qui a suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sortir et de sacrifier sa bête devant eux et de se raser la tête devant eux. Et que s'il faisait cela, ils allaient tous le suivre et le faire. Et effectivement, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et c'est ce que ses compagnons ont fait par la suite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Médine. Et pendant cette période, Abu Basir s'est sauvé de la Mecque pour aller se réfugier à Médine. Les polythéistes de Quraysh ont envoyé deux hommes pour aller demander au prophète sallam de leur rendre, conformément au pacte qu'il y avait entre eux. Et lorsque les deux sont arrivés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a rendu. Et sur la route du retour, Abu Basir en a tué un des deux polythéistes qui l'accompagnait vers la Mecque pour le rendre polythéiste. Et l'autre est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que l'un a été tué et que lui a réussi à s'échapper. Puis Abu Basir est parti, s'est enfui pour se réfugier au niveau de la côte, au niveau de la côte de la mer Rouge. Abu Jandal, qui a été rendu au polythéiste avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne signe le pacte, a réussi à se sauver de la Mecque et est parti rejoindre Abu Basir dans l'endroit où il était sur la côte. Et il ne cessait d'attaquer les caravanes des polythéistes qui venaient du Chem, de les attaquer, de prendre leurs biens, etc. Jusqu'à ce que les polythéistes de la Mecque en ont eu marre et ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accueillir ces deux personnes à Médine, et que tous ceux qui quitteraient la Mecque pour se réfugier chez les musulmans à Médine, il ne leur demanderait plus de les rendre et de les restituer. Et ainsi Allah Azza wa Jal a permis à ce que le cas des faibles, de ceux qui quittent la Mecque pour se réfugier auprès des musulmans à Médine, que leur cas soit définitivement résolu et qu'il n'est plus que le professeur Sam n'est plus à devoir les rendre. Et ceci sans que le professeur Sallam ne trahisse une seule fois le pacte qu'il a eu avec les polythéistes de la Mecque. Dans ce sulh de l'Hudaybiyah, il y a eu énormément de bien, notamment lorsque le professeur Sallam, en l'an 7, donc en l'an 7 de l'Hégire, a accompli la Umra, Umratul Qadha, qui est appelée Umratul Qadha ou Umrat Al-Hudaybiyah, dans lesquels les musulmans sont entrés à la Mecque et dans lesquels ils sont restés plus de 3 jours, dans lesquels ils pouvaient appeler à l'islam en toute sécurité et en toute liberté. Et les gens pouvaient écouter, voir les musulmans, voir quelle est leur religion, et énormément de musulmans se sont convertis à l'islam, au point que même certains savants ont dit que se sont convertis à l'islam beaucoup plus de personnes pendant cette courte durée que durant toutes ces années où l'islam est apparu. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.